Radio FR vous présente la journée intercantonale de la formation professionnelle. Bienvenue dans un nouveau volet de notre journée consacrée à la formation professionnelle. Me rejoint en studio quelqu'un pour qui les filières de l'apprentissage n'ont aucun secret. Bonjour Ismaël Jordan. Bonjour. Collaborateur au service de l'orientation professionnelle à l'État de Fribourg. Alors, journée de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est quelque part la journée de tous les défis à vous autres les orientateurs. Hein. Alors effectivement, c'est à nous de mettre en avant toutes les qualités que peuvent représenter les différentes voies de formation, qu'elles soient professionnelles ou académiques. Alors, entre la filière académique, les études, et la formation professionnelle, le débat fait souvent rage, hein, chacun a ses idées bien tranchées. Quels sont les principaux atouts de l'apprentissage? Parce que c'est surtout de l'apprentissage qu'on parle aujourd'hui. Hein. Le gros avantage de la formation par apprentissage, notamment dual, hein, avec le système école professionnelle et entreprise, permet de former des gens qui répondent aux besoins de l'économie, permet également d'être en lien très rapidement avec la réalité du monde du travail et permet également ensuite une insertion professionnelle relativement aisée sur le marché du travail. Il existe en Suisse environ 200 professions que l'on peut apprendre par apprentissage, certaines étant évidemment très très rares, telles que constructeur de ski. Bon, on a un pays de ski après tout. Hein. Exactement. Est-il possible de dresser un hit parade des métiers les plus plébiscités par les jeunes? Au niveau suisse, selon mes souvenirs, je crois que les professions du commerce, que ce soit administratif ou vente, également les soins avec la nouvelle formation d'assistante en soins communautaires, rencontrent un énorme succès. Alors évidemment qu'on a un petit peu tendance à négliger d'autres domaines tels que l'artisanat, la construction, l'industrie, mais qui représentent malgré tout quand même un pourcentage relativement élevé d'apprentis qui choisissent cette voie-là peut-être pas dans un premier temps, mais après une première formation. Les stéréotypes masculin, féminin, est-ce qu'ils sont toujours bien présents dans les esprits? Je pense qu'ils sont plus présents que jamais. Comment ça se fait ça? On est en 2015 après tout. Effectivement, donc de nombreuses campagnes ont été menées, notamment en collaboration avec le Bureau de l'égalité et de la famille. Il y a eu une petite évolution jusqu'à il y a 5 ou 6 ans et on voit de nouveau maintenant des choix très stéréotypés qui se font. Pour quelles raisons? La question est toujours ouverte. Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui voit la fin de sa scolarité arriver et qui n'a vraiment, alors, aucune idée de ce qu'il aimerait faire? J'imagine qu'il y en a plus qu'on croit, hein, de ces jeunes-là. Alors, c'est sûr qu'à cet âge-là, en fin de scolarité obligatoire, entre 15 et 16 ans, c'est le premier grand choix effectué dans sa vie, qui peut représenter un enjeu ou qui peut aussi mettre un petit peu la personne dans un grand questionnement. Il est donc nécessaire d'essayer de le rassurer, de lui expliquer que ce premier choix, en fait, ne va pas avoir des conséquences sur toute sa vie, que c'est la possibilité d'acquérir une première formation, que c'est un tremplin qui va également lui permettre de poursuivre vers d'autres domaines ou vers des perfectionnements dans sa branche. Alors les stages sont évidemment une occasion rêvée pour un jeune ou une jeune de se rendre compte de la réalité du monde du travail et de voir si l'image qu'il se fait de la profession correspond à ce qu'il en pense. Dans l'idéal, Ismaël Jordan, c'est vers quel âge qu'un jeune devrait commencer à se poser sérieusement la question de son futur métier? C'est pas juste avant de sortir de l'école obligatoire, bien sûr. Alors effectivement, dans l'idéal, on encourage vivement les élèves en deuxième année de cycle d'orientation de mettre en route des stages. On part du principe que la première année est peut-être un petit peu trop rapide, que la troisième année est trop tard. Donc la deuxième année nous semble être la période idéale pour pousser les élèves à aller voir sur le terrain les métiers. Il y a aussi des entreprises, hein, généralement des petites entreprises qui n'ont jamais osé faire le grand saut, accueillir un premier apprenti, le former, lui transmettre sa passion pour son métier, c'est quand même le plus beau des défis pour un patron, non ? Alors, former un apprenti est un challenge magnifique pour un employeur ou une entreprise, mais qui va effectivement lui demander un investissement relativement important en termes de temps, en termes d'argent en début de formation. Et c'est vrai que tous les employeurs ne sont pas toujours prêts non plus à encadrer un jeune et ne comprennent pas forcément toujours comment fonctionne un jeune et quelles sont les priorités pour ces jeunes à cet âge-là. Le service de la formation professionnelle a mis en place depuis un certain temps des cours de formateurs en entreprise, dans lesquels certaines notions de pédagogie, psychologie sont également dispensées et peuvent aider les employeurs à former leurs apprentis. Ismaël Jordan, service de l'orientation professionnelle à l'État de Fribourg, ça a été un grand plaisir de vous retrouver pour cette journée consacrée à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Merci de vous être déplacé. Merci à vous. Évidemment que toutes vos questions trouvent réponse sur notre site internet avec toutes les bonnes adresses en ligne www.radiofr.ch.